Chapitre 4. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait, et baptisait, plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne, c'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la région de Samarie. Il arriva près d'une ville de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi de l'eau à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville acheter de la nourriture. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif. Comment donc peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. « Si tu connaissais ce que Dieu donne, lui répondit Jésus, et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Maître, lui dit la femme, tu n'as pas de seau et le puits est profond. » Comment pourrais-tu avoir de l'eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau, ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Jésus lui répliqua, Tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » « Va appeler ton mari et reviens ici, » lui dit Jésus. « Je n'ai pas de mari, » répondit-elle. Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu m'as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, femme, lui répondit Jésus, le moment viendra où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je sais, lui dit la femme, que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. « Je le suis, moi qui te parle, » lui répondit Jésus. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent, et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle déclara aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et allèrent vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose. » Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres, « Quelqu'un lui a-t-il apporté de quoi manger ?» Jésus leur déclara, « Ma nourriture est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'achever le travail qu'il m'a donné à faire. Vous dites, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire, et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car elle est vraie la parole qui dit, un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là 2 jours. Il y en eut encore beaucoup plus qui crurent à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant nous croyons non seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après avoir passé 2 jours à cet endroit, Jésus partit et alla en Galilée. Car Jésus lui-même avait déclaré, « Un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. » Quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçurent bien, car ils étaient allés eux aussi à la fête de la Pâque à Jérusalem, et avaient vu tout ce qu'il avait fait pendant cette fête. Il revint alors à Cana de Galilée, où il avait changé de l'eau en vin. Il y avait là un haut fonctionnaire du gouvernement qui avait un fils malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de se rendre à Capernaum et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires. » Le fonctionnaire lui répondit, « Maître, viens chez moi, avant que mon enfant ne meure. » « Va chez toi, lui dit Jésus, ton fils vivra. » L'homme crut à ce que Jésus lui disait et partit. Il était en route pour aller chez lui quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant est vivant. » Il leur demanda à quelle heure son fils s'était senti mieux, et ils lui répondirent, « Il était 1 heure de l'après-midi, hier, quand la fièvre l'a quitté. » Alors le père s'aperçut que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vivra. » Et lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus fit après son retour de Judée en Galilée.